faire un truc. Hein. Je vais faire un truc. J'apprends. Hein. Attends, je sais en 16 mesures. On est en 16 pour voir. 1, 2, 3, 4. Premier motif. On est en 32. Hein. Par exemple, en 32, ça fait ça. Deux motifs. Ah, tu vois, je peux choisir comme Dieu. Voir, je peux inverser, tu vois. Ça fait 2 fois 16, mais je peux mettre plus, hein. Ça va comme ça, hein. Donc t'as 16 mesures. Bonjour Yannick. Voilà, t'as 16 mesures comme ça. Et 16 mesures comme ça. Voilà. Mais on peut mettre plus, hein. We'll be right back. Ok, je vais repartir sur 64. Avec lui. Faut écouter un peu les autres, hein. Allez Yannick. Deux motifs. You play les français Yannick, non? Français? Yannick. Je sais pas quoi faire. ça un truc. Ok. Attends, je vais monter la basse un peu. Non. Attends, hein. Attends, je m'en sur le... J'ai le deuxième.